Au café des anciens, je m'étais arrêté pour me remplir les poches de clopes et d'allumettes dans la salle de novembre. Les trognes allumées, regardant vers la rue, prenaient un air de fête. Sur le trottoir d'en face, ils se montraient du doigt par la vitre mouillée. Malgré ce temps de chien, un jeune gars du quartier, planté là dans le froid, s'enlaçait aux souliers. Un litre dans la main. Je suppose qu'il était chez lui sur le pavé, dans sa veste trop large et tous les poils au vent. Plus il levait le coude, son sourire s'allongeait, les yeux remplis d'étoiles, il montrait toutes ses dents. C'est un homme à la mer, une barque en dérive, un grand oiseau sans ailes qui voudrait se dresser, et le vin qui réchauffe ce grand corps déjà ivre malgré l'heure matinale. Dis Mimi, dis Toto, si je ne sais pas ton nom, je la connais par cœur. La misère dans ta tête, là jadis où vibraient les cordes d'un violon. Ce monde a tout cassé à grands coups de machette. Et les autres s'amusent quand ils voient ta misère. Oui, plus vilain que soi, ça on ne l'admet pas. Allez, vas-y Mimi, encore un petit verre, tu nous fais rigoler. Mais ne te fâche pas. Alors, si t'as 30 ans, encore 10, et t'es cuit, t'auras plus que du vin rouge à la place du sang. Un hiver, on te retrouvera tout raidi, ils videront une bouteille à ton enterrement. Et lorsque je quittais ce public averti, cette salle de novembre et son nuage bleu, mon tabac dans la main, je passais devant lui et courageusement, j'ai dû baisser les yeux. Oui, lorsque je quittais ce public averti, cette salle de novembre et son nuage bleu, mon tabac dans la main, je passais devant lui et courageusement, j'ai dû baisser les yeux.